Chapitre 12. Le mammouth. C'était une clairière parmi des hêtres, des chênes et des ormes. Il y poussait des carex, de l'ivraie mêlée à des renoncules, de floqueux sénessons, des orties dioïques. Sous les gladioles de l'herbe, par les feuilles, les fleurs, les tiges, les racines, allait le monde des insectes, ébauche matérielle du monde idéen de l'homme, pratiquant les physiques et les chimies, les industries de l'outil et de l'acide, créant la tarière, le forêt, la scie, la spatule, la filière, le creusement à la pelle, la perforation au caustique, les galeries de mine, l'habitation sociale, la cloche à plongeur, le glaive et l'armure, la lumière, la soie, l'étoffe, la cire, le sucre, le miel. L'aube les trouvait au travail. La grosse mouche magdaléenne voltait à angle net dans les premiers rayons. La guêpe visitait des corolles. D'énormes pierrides ballottaient sur des ailes veloutées. Les nuées des moustiques revenaient du fleuve prendre abri sous les feuilles. Les légions de la fourmi emportaient des pucerons, des étamines, des graines, tous les débris des minuscules batailles vitales. La cicindelle à l'affût dans son puits guettait une proie. Le nécrophore au fin liseré pâle cherchait la charogne où déposer ses œufs. La vrillette heurtait du front l'écorce des ormes. Le grillon s'endormait, las d'avoir tant vibré. Les forficules dressaient leurs pinces au fond des corolles, et pareil au tigre, le carabe agile bondissait sur le scarabée. L'homme croulé, la forêt parut inquiète. La zone circonscrite par les ouïes, les vues, les odorats aigus des fureteurs de souches ou de ramées tout autour du roi bipède, commença de décroître petit à petit. Des nez pointus, de fins cornets d'oreilles, des perles noires d'yeux saillants, de longues moustaches antennes scrutèrent les essences émanées de l'homme, connurent sa faiblesse. Des ravins, affriandés par les courroies enduites de moelle. Puis ce furent les têtes curieuses de loire et d'écureuil que guettait le grand lynx quaternaire à la fourche des hautes branches. Du temps coula. Le soleil trempa la clairière. Le ruissellement de la vie grandit avec les rayons. Les mouches plus nombreuses à tracer l'énigme de leur vol, les bourdons, les abeilles plus rapides et plus sonores, la chasse des oiseaux activée sous les branches. Cependant, déçu de sa course nocturne, tout affamé, une hyène boitait par les halliers. Sa narine perçut l'odeur de l'humain parmi celle du cuir et de la graisse. Elle s'approcha. Les rats s'enfuirent et la mangeuse de cadavres, sans sortir du couvert, sut que l'homme n'était pas mort. Un espoir pourtant la fit se tapir à l'ombre dans un demi-sommeil. Les longs fils soyeux de la lumière tombaient toujours plus droits à travers les trous de la ramée. L'ombre atteignit son minimum puis se remit à grandir. Vamiré dormait toujours, guetté par l'hyène. Les oiseaux s'alanguissaient, les grands arbres restaient sans voix. La fourmi branlait les glaives de l'herbe, le frelon courbait en s'y accrochant la hampe grêle des fleurettes, les mouches susurraient éperdument et des hardes de chevreuils brisaient des branches à la prestesse de leur course. Vers les 2 heures après-midi, des chacals eurent vent de la fétidité de l'hyène et rallièrent la portion de bois où elle se trouvait. À leur tour, ils s'embusquèrent dans les fourrés et leurs troubles gloutons, leurs cris sinistres, ouvrirent à des corbeaux la perspective d'une large curée. Ils vinrent nombreux et croassants, leur vol noir une minute obscurcit la clairière. Puis ils élirent un être pour y percher. À 4000 mètres d'altitude, 3 vautours connurent l'émoi du corbeau et churent vertigineusement sur un arbre proche. Ces convoitises cernaient Vamiré étendues, méfiantes les unes des autres, les nocturnes appelant les ténèbres, les diurnes craignant la fin du jour. Une hésitation l'éteint d'abord quoi, et s'observant. Puis les chacals reculèrent, inquiets de l'hyène. Une panique dispersa un moment les vautours. Rien ne prévalut contre les corbeaux, massés par centaines, la cisaille de l'arbec prête à toute agression. Ils ouvrirent la fête. Graves et comiques sur les branches de leur être, ils préludèrent à une sorte de danse, s'avançant vers l'extrémité des perchoirs, jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombât. Celui-là voletait une minute, croassait furieusement, et venait se remettre à la file. Les cris et le jeu effarèrent les nocturnes, et quand, ennués avec du vacarme de grêle en forêt, les vociférateurs descendirent sur l'homme, l'hyène détala. L'alarme se mit dans les chacals. Eux cependant marchèrent, l'air myope, sagace et grotesque, leur terrible mandibule comme un gros nez au bout de la tête, tout le corps moiré de noir bleu. À 2 mètres de Vamiré, du doute, ils cessèrent de croasser, et les plus vieux tinrent un conciliabule en accent bas, gargouilleurs, alternés de danse. Mais un mouvement du psan décida la déroute, les oiseaux regagnèrent les branches. Un arrêt, on entendit rire l'hyène et pleurer les chacals. Puis, dans le silence refait, l'aile des vautours claqua lourdement, les 3 rapaces tombèrent sur le sol. Leur cou chauve émergeait très ferme d'un beau collier de fourrure blanche. La tête longue, de cendre pâle, semblait quelques têtes de mammifères bénins, chameaux, kangourous, antilopes. Longtemps ils restèrent comme des veilleurs immobiles, les coudes de l'humérus en épaules hautes et pointues, le col paraissant jaillir de la poitrine, les ailes formant manteau garnies d'une belle frange claire de peine bâtarde. De forte race, l'envergure de leur vol allait à 8 pieds. Leurs serres puissantes, avides à fouiller les chairs mortes, tenaillaient des proies animées aux heures de famine. Pesèrent-ils l'agonie de l'homme, le reliquat d'énergie des muscles souverains, la bondissante poitrine, la nuque du russe? Ils ne bougeaient point, mais les canins faméliques, las d'attendre, se prirent à ramper par les halliers. Alors les oiseaux ramèrent sur place avec fracas. Les chacals épouvantés s'arrêtèrent, et le plus vieux vautour marcha vers la tête blonde de Vamiré. La chevelure débordée sur la face couvrait à demi les yeux. La grande moustache fauve frémissait au dur haan fébrile. Une sorte de rire provocateur levait la lèvre parmi la mansuétude résignée des plis de la bouche. L'épaule minue semblait de pierre polie. Les câbles tordus des triceps comptaient le poème des fibres en faisceaux, par milliers attelés au même travail. La fourrure du spéléa cachait le torse, où bondissait le cœur en tumulte. La forêt faisait, plus silencieuse, son travail de cité colosse. La vie repue sous toutes ses formes, dormassait aux tanières, aux nids et jusqu'aux galeries de l'insecte. Les corbeaux, intéressés à l'action du vautour, menait un train discret, les chacals fermaient en bâillant des yeux éblouis, l'hyène creusait la terre de ses pattes de devant, des bruits faibles venaient, de petits cris, de petits chants, la chute des fruits mûrs, comme les déclenchements diffus de l'horloge des choses. Cependant le grand rapace, par un interstice de la chevelure, regardait la paupière mi-close du psan où la sclérotique apparaissait. Crever l'œil, c'est l'instinct de l'oiseau de proie. Le vautour s'y décida. Une approche lente le mit à portée. Ses compagnons, alors, vinrent aussi, et l'un d'eux posa sa griffe sur l'épaule nue. La main de Vamiré, dans l'inconscience, se porta au poing menacé, s'abattit sur l'aile de l'oiseau. La bête riposta d'un coup de bec au poignet. La blessure éveilla des facultés défensives chez l'homme. Comme un cauchemar, ses poings d'athlète trouvèrent le cou du vautour, tandis que son visage se cachait dans l'herbe. 2 minutes, les serres crochues s'acharnèrent sur la peau du spéléa. Puis l'asphyxie vint, et la mort, sans que les doigts de Vamiré lâchassent prise. Déjà, les vastes rames des survivants frappaient l'air. Leur corps s'élevait jusqu'à la cime des arbres, hésitait une seconde, puis, par une large ouverture, s'évadait vers le ciel. Le grand nomade, après l'action, retombé dans sa léthargie, eut toute l'apparence d'un cadavre. Et les corbeaux déléguèrent 10 d'entre eux pour s'éclairer. Les autres suivirent une conférence où des gargouillades répondaient à des sons creux, avec des reprises en commun. Les 10 surent tôt que la grosse proie restait dangereuse, mais la charogne du vautour les tentant, ils l'explorèrent. L'homme tenait cette charogne dans sa main crispée. Avec des minuties circonspectes inspirées par leur forte tête de passereau, ils tournèrent l'animal et attaquèrent le col chaume. Une brèche s'y fit. Les terribles cisailles l'approfondirent, et bientôt la tête seule du rapace restait dans la main de Vamiré. Alors s'attelant, ils traînèrent leur prise à plusieurs coudées. Les chacals crurent le moment favorable. Jappant et hurlant, on les entendit venir, telle une averse sur des feuillages. Les 10 corbeaux s'élevèrent avec des crocs furieux. Mais ceux d'en haut déjà tombaient par centaines sur les échines des carnassiers, prompts à fuir devant l'agression imprévue. La troupe noire resta maîtresse du champ de bataille et commença de dévorer le vautour. L'hyène avait cessé de fuir. La torsion plus âpre de ses entrailles la poussait à l'audace. Quoique superbe encore, la race décroissait, perdait de plus en plus d'offensives. On était loin du monstre de ce genre, du Machérodus agresseur des proboscidiens, aux canines en lames doubles, longues d'une coudée. Peut-être à des cavernes, la grande hyène traînait-elle encore des herbivores palpitants, mais celle-ci, hyène tachetée malgré ses canines, ses molaires, les plus solides de l'animalité contemporaine, et capable de broyer le fémur de l'auroque, s'en tenait à la chair morte de préférence, où forçait la taupe, le campagnol, d'autres petits fouisseurs dans leurs galeries. Lente, elle s'avança, basse d'arrière-train, comme une bête qui rampe, la tête tendue flairant l'homme, plus inquiète à chaque seconde. À un bond de distance, elle calcula, fixa la gorge, rêvant le coup du chien et du loup, l'étranglement. Elle n'osa, toute nerveuse, grattant le sol. Pendant qu'elle hésitait, la lutte reprenait entre les chacals et les corbeaux. Les canins firent une sortie, et cette fois, tandis que s'envolait l'adversaire, ils purent conquérir les reliques du vautour. Ce ne fut qu'une maigre curée. Fins et souples, leurs yeux clignotant à la lumière, ils croquaient les os du volatile, précautionneusement. Mis en appétit, ils songèrent à la grande proie. L'hyène ne s'opposa point, et même il parut que des deux parts, on s'encourageait à l'audace. Les ricanements et les hurlements se croisèrent avec des courses, des bonds de côté, des exhibitions de canines suggestives. Des branchages s'écartèrent rudement. Du bois se brisa avec un fracas de tempête. Il parut un mammouth au front bombé, haut de 15 pieds. La clairière lui plut. Il y balança son grand corps, arrachant de sa trompe quelques herbes dans un caprice de colosse puéril. Puis il se coucha. Il vécut le demi-sommeil des grandes bêtes. Le rêve coula par sa tête, l'intarissable flux des formes et des mouvements que sa prunelle avait bu au long de ce jour. L'hyène et les chacals, tapis aux profondeurs basses des végétations proches de la clairière, firent tout à coup un recul considérable. Une bête molle, lourde et disloquée, se dégageait lentement des fourrés, arrivait à la lumière. Un ours. Le mammouth paisible regarda venir. Le plantigrade s'arrêta, consultant le proboscidien. Éveillé dans sa bauge auprès du fleuve, le tapage des chacals l'avait attiré. À présent, il comptait sur l'homme étendu pour son repas du jour, et il espérait la neutralité de l'éléphant, le sachant tout pacifique en dehors des périodes d'amour. D'abord, le calcul parut juste. L'éléphant marcha comme pour s'éloigner. Mais parvenu à 10 mètres de l'homme, son attention se fixa. Sa trompe tourna dans la direction du corps. Il se rapprocha, flaira, regarda. Alors il barrit d'une façon menaçante, présenta ses défenses au féroce. Celui-ci eut la colère épaisse, aveugle et obstinée de sa race. Il grogna, se mit debout, à l'abri d'un peuplier, et la mimique de ses pattes griffues, le rictus de sa lèvre, dirent sa soif de représailles. La trompe levée en demi-cercle, les défenses rasant le sol, tout son corps gigantesque arc-bouté puissamment, l'éléphant attendit. C'étaient deux puissantes bêtes. L'ours avait ses bras velus armés de griffes colosses, ses canines, sa mâchoire musculeuse. Il pouvait, debout, saisir et étouffer. Sa peau épaisse, flottante, ne le gênait point contre les fauves, léopards et lions même. Son poids le servait, et ses gestes lents avaient des précisions terribles. Mais la force du mammouth restait incomparable. Son petit œil, au rebours de celui de l'ours, voyait parfaitement. sa trompe merveilleuse dépassait en adresse et en muscles le bras de l'anthropoïde. Ses défenses tournées en cercle, longues de 10 coudées, trouaient, projetaient comme les cornes de l'auroch. Tout son corps, sur les 4 colonnes des jambes, sous la fourrure rousse laineuse et la grande crinière noire médiane, apparaissait souple et facile à virer. Par les forêts, les savanes, au défilé des monts, partout il était le victorieux seigneur herbivore, reliquat des colosses à trompe du tertiaire, Dinotherium, Elephas meridionalis, Elephas anticus. À 3, l'hippopotame, le rhinocéros et lui, il représentait la fleur de l'ère tapirienne, la faune monstrueuse nourrie du gluten de la plante, le triomphe des grands squelettes et des muscles massifs, le triomphe de la paix armée, la cuirasse, la corne, les défenses, la trompe, opposée aux rages carnivores, aux promoteurs, aux canines et aux griffes d'acier. En face du plantigrade myope, le proboscidien se lassa le premier de l'expectative. Dans ce crâne baigné des grandes ondes du sang, l'ivresse des fureurs va parfois à la folie. Il eut un barrissement effroyable et se lança. L'arbre sauva l'ours. Il eut le temps d'y grimper à belle hauteur. De l'épaule, l'autre ébranla le vaste tronc, et il fallut au plantigrade ses griffes de 3 pouces enfoncées dans l'écorce pour ne pas être jeté bas. L'éléphant s'acharna, et tout à coup l'ours lui tombait sur le dos. Les crocs entrèrent à la nuque, les ongles s'enfoncèrent vers les pavillons des oreilles. Mais le pachyderme se secoua comme une bête au sortir de l'eau, tandis que sa trompe envoyait à l'ennemi le plus formidable soufflet. L'ours tomba, roulé en boule dans sa fourrure. Saisi par la trompe, porté sur les défenses, il fut soulevé, lancé parmi le fouillis des lianes. Puis, comme la grande bête revenait sur lui, il se releva, s'enfuit pesamment. Miséricordieux, l'herbivore acceptait ce dénouement. Déjà s'en allait lorsque l'ours réaccourut, et cette fois se ruant à l'aveugle sur la trompe, il l'égratigna et la mordit cruellement. Un baril de douleur, le mammouth plia le jarret, puis hocha la tête. Cela fit perdre l'équilibre au plantigrade qui chut entre les défenses. La trompe l'y maintint d'abord, puis l'ivoire immense fouilla les entrailles. Puis encore les grosses colonnes des pieds broyèrent la cage thoracique, et l'ours exhala sa vie dans un suprême grognement. Quelques secondes, le mammouth s'acharna, en furie. Ensuite, il projeta le cadavre loin de la clairière. Et l'hyène, les chacals, eurent à manger. Sa vengeance satisfaite, le proboscidien revint vers l'homme. De nouveau il le flaira, et se postant à 5 coudées, il barrit longuement. La femelle parut avec le rejeton. Tous 3 s'installèrent autour de Vamiré. La nuit était proche maintenant. La grosse mouche bleue préhistorique, à son tour, cherchait l'abri des feuilles. Les némocères partaient en nuée vers les eaux. Le grillon reprenait sa vibrante ariette, les fourmis traînaient les ultimes fétus au grenier souterrain. La cicindelle larve dormait au fond de son puits. Les nécrophores s'acharnaient à enterrer un cadavre de mulot. La flûtée des oiseaux s'éteignait par les branches et les corbeaux s'étaient envolés. Les rayons diffus, plus rouges, plus sombres, s'attardèrent au frêle sommet des carex et des gramènes. Puis ils foncèrent encore, n'éclairant plus de ci de là que des paillettes claires. Mais une phosphorescence se dégageait encore de l'herbe, et les mammouths graves cueillaient ces dernières luminosités d'une prunelle tranquille, tandis que montait sous bois la clameur sinistre des chacals, les ricanements de l'hyène gorgés des chairs de l'ours gris. Elle vint enfin, la grande ténèbre, elle épandit le manteau de son mystère sur la forêt et sur le fleuve. Des lampyres brillèrent aux buissons, des phalènes aux ailes cotonneuses vaguèrent suivies par l'aveugle chauve-souris. La chouette soupira dans le creux des chênes et l'on entendit la voix des fauves criant leur meurtre triomphant. Plus d'un léopard, plus d'une bande de loups renifla les effluves de l'homme étendu. Mais nul n'osa troubler la famille invincible du grand mammouth velu au front bombé. Jusque 4 heures après l'aube, ils persistèrent à veiller. Alors Vamiré sortit de sa longue torpeur, rafraîchi et fortifié comme d'un bain en rivière par les jours torrides. Il se mit debout, il essaya ses bras et sa poitrine, et brusquement perçut le départ des proboscidiens. Ce départ se lia dans sa tête à l'aventure du matin précédent. Il cria des paroles de bienvenue aux mammouths, sans savoir tout ce qu'il leur devait. Il le sut un peu plus tard, lorsqu'il découvrit le cadavre de l'ours aux os broyés, et son cœur s'émut gravement.